Plusieurs règles de comportement sont à tenir lorsque la route est glissante. Garder une bonne distance avec les véhicules qui précèdent. Ralentir bien avant de prendre un virage. Anticiper pour ne pas avoir à freiner fortement. Éviter d'accélérer brusquement. En effet, dans la neige profonde, il faut éviter de faire tourner les roues. Elles s'enfonceraient et démarrer deviendrait de plus en plus difficile. En outre, lorsque les roues patinent, la direction devient difficile à tenir. Réponse A et C.